Buena mama. Ah. Où est papa? Où est maman? C'est comment? Wapi mama? Wapi papa? Est-ce que mon toi ça n'anda koyo? Hey yo ka, Kento. Moi si a bonga na Marie, Bavanda, Nalibala, Bavanda basala foyer. Tokutana, tolingana, tovanda bolingo ya solo, libala ekola, tobongisa, tovanda na harmonie lokola. De toi et moi, de moi et toi, fidélité lokola, ma passa. Oh chérie, ya kanalinga yo, ma poupée d'amour. Moya popo, wapi mama, wapi papa, bayambelanga bolingo, amise nanga. Où est papa? Où est mama? Shikino, shikino. Oh je t'aime, I love you, je viens vers toi pour un big love. Beautiful, beautiful, beautiful. I love you. Yondeko, Ozui Marie Batela. Nibala eko ma pasi. Ko baby satendeko. Loko la bana mi balea ma pasa ndenge balinga nakae. Bayo kanaka. Loko la moto moko. De moi et toi. De toi et moi. Tapez. Tapez encore. Mami a motemé, moi a pokwe, mon soleil d'amour. Oh ma chérie d'amour, nakatia boutoué, et ma lune de miel. Amitié nanga, amitié nanga, amitié nanga, amitié nanga. Pleure pas bébé. Chérie Ovandisa, chérie Nabondela, Yakata Bonus, Ariop, Ariop, anyway, anyway, Ariop, Ariop, anyway, anyway. Tango mususu pengai, eko makabolo lope solo. Attention. Dis-moi que tu m'aimes.